Bien, on va lire quelques extraits. Je ne sais pas si Nicolas Bouvier est un auteur classique, ça me fait toujours un peu drôle de dire ça. Mais en tout cas, il est rentré. Il a été très méconnu pendant longtemps et puis ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vais démarrer simplement en vous faisant écouter. Je suis parti avec le propre nagra de Koudelski. Koudelski fabriquait artisanalement des nagras chez lui, et ça donnait de très très bons résultats, parce que ces bandes ont 50 ans pratiquement. J'ai découvert cette formidable musique balkanique, mais je dirais surtout serbe. Je pense que de tous les Balkans, c'est vraiment une musique qui m'a complètement tétanisé. On s'est juré de suivre cette piste musicale. En tout cas, jusqu'en Inde, ça a été un des motifs puissants qui m'a fait toujours revenir dans ces territoires à Cigogne, à Tzigane, où la musique fait vraiment partie du quotidien, ce qui n'est malheureusement pas du tout le rôle qu'elle a chez nous. Et je me suis rendu compte que la musique folklorique était une véritable caverne d'Ali Baba dans laquelle je pourrais passer la moitié de mon existence, parce que pour moi, une vie sans musique, ça n'aurait pas grand sens. Alors voilà, comme introduction, bonsoir à tous et toutes. Comme introduction pour parler d'un écrivain, je vous fais écouter une parole et puis juste avant un extrait de musique. La musique, pour parler d'un écrivain, c'est pas forcément une entrée en matière, je dirais, classique, là encore. Mais il se trouve que Nicolas Bouvier, vous allez le voir, échappe un petit peu à toutes les catégories. Vous m'entendez bien au niveau du micro, ouais. Il échappe un petit peu à toutes les catégories, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui est voyageur, qui est écrivain, qui est photographe, qui est iconographe. Il échappe peut-être pas à toutes les catégories, mais enfin, en tout cas, il est dans beaucoup de domaines différents. Il se définit lui-même comme omnivore et il a une très belle expression, je trouve, à ce niveau-là. Quand il parle de la mort, il dit que cette échéance le stimule plus qu'elle ne l'accable. Elle m'invite à ouvrir l'œil, à dresser l'oreille, à froncer le nez comme un lapin, à prendre au plus court, à ne rien perdre de la cambrure des femmes, de l'odeur du chèvrefeuille, du fumet d'un gigot ou du chant d'un loriot. Cet état si transitoire qui est le nôtre me rend omnivore et attentif. On a, je dirais là, quasiment toute la philosophie, entre guillemets, mais pas tant entre guillemets que ça, de Nicolas Bouvier qui est résumée, et dans laquelle, évidemment, je vais essayer de vous amener ce soir. Alors, je reviens à ce qu'on vient d'entendre. Il parle d'une piste musicale qu'ils se sont jurés de suivre, cette piste musicale dont il est question, c'est une route qui a occupé Nicolas Bouvier pendant 2 années, entre 1953 et 1955. Il a alors une vingtaine d'années, il était né en 1929. Et cette route, c'est une continuité territoriale depuis Belgrade jusqu'en Afghanistan. Et le « on » dont il est question, c'est Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Attendez, excusez-moi, je vais... Isabella, tu veux bien ? Ça doit être NB et TV. Quand même voir la bouille qu'ils avaient. Donc Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, et personnage très important, la petite Fiat Topolino, qui est en fait la voiture avec laquelle ils sont partis, mais qui est un personnage à part entière de ce qui va devenir 10 ans plus tard L'usage du monde, le livre le plus connu de Nicolas Bouvier. Alors, le cœur de l'œuvre, c'est 4 textes. 4 textes qui correspondent à 4 années consécutives de voyage, de 1953 à 1957. J'ai une heure, donc j'ai été obligée de faire des choix, des coupes franches, de manière assez douloureuse, mais voilà, c'est surtout de ces 4 textes que je vais vous parler. plus précisément de trois d'entre eux. Les quatre textes, c'est d'abord donc, l'usage du monde, dont je viens de parler, qui correspond à une continuité géographique de 2 ans. Hein, on est de Belgrade jusqu'en Afghanistan. Le deuxième texte, dans la chronologie du voyage et pas de l'écriture. J'insiste là-dessus parce que chez Nicolas Bouvier, c'est quelque chose de très particulier. Le deuxième texte, c'est le Poisson-Scorpion, qui correspond à 7 mois d'immobilité. Pour le coup, on était dans le nomadisme avec les 2 années de l'usage du monde. Là, on est dans 7 mois d'immobilité à Ceylan, ce qu'on appelle encore Ceylan à l'époque. On a ensuite un texte qui s'appelle Japon, chronique japonaise. En fait, ce sont 2 versions d'un même texte avec lequel on est au Japon. Japon où Nicolas Bouvier reste 1 année de 55 à 56. Et je termine donc le cœur de l'œuvre. Je vais bien sûr rentrer en détail là-dedans un petit peu plus tard. C'est le recueil de poèmes qui s'appelle Le dehors et le dedans, et qui balaye 30 ans de la vie de Nicolas Bouvier, englobant les 4 années de voyage dont je viens de vous parler là. Alors, on voit qu'il y a un visuel qui s'appelle Google Maps. On a la route, en fait, de l'usage du monde, si tu le trouves. La route que suit Nicolas Bouvier, c'est clairement cap à l'est, et cette direction n'est pas du tout anodine. C'est-à-dire que Nicolas Bouvier choisit de voyager vers les premières traces écrites de l'humanité, donc on est clairement au Moyen-Orient, et puis également vers l'Asie, où le corps n'est ni un tabou, ni méprisé, où la mort n'est pas occultée, et où l'instinct et l'intuition sont vraiment considérés. Chose que Nicolas Bouvier déplore. Enfin, il déplore que ce ne soit pas le cas en Occident. Alors, cette source géographique de son écriture, qu'il ne s'agit absolument pas de renier, a néanmoins conduit, de mon point de vue, mais je m'autorise à être subjective ici, il y aura peut-être des débats après, a conduit de mon point de vue à une méprise colossale qui serait de dire Nicolas Bouvier est un écrivain voyageur. Alors je m'offusque contre cette expression que je n'aime pas du tout, parce que d'abord Nicolas Bouvier, l'œuvre de Nicolas Bouvier n'a rien à voir avec des guides du routard ou autres Lonely Planet. Parce qu'aussi, pour parler même de textes plus nobles, son écriture n'a rien à voir non plus avec les textes, par exemple, du Néla Mayar. Je ne sais pas si le nom vous évoque quelque chose. Néla Mayar, qui est, on va dire, la grande sœur voyageuse à laquelle Nicolas Bouvier et Thierry Vernet demandent des conseils avant de partir, qui a écrit des récits, mais qui, elle-même, reconnaît complètement n'être absolument pas dans une entreprise littéraire. Alors que chez Bouvier, de toute évidence, on est face à de la littérature. On est en présence de littérature, c'est-à-dire d'un positionnement, d'un rapport au monde, d'une voix et d'une manière, je dirais, d'étrier le langage qui fait que ce sont des textes qui vont bien au-delà de leur objet, qui est, de toute évidence, la route, le voyage, l'ailleurs. Hein, il ne s'agit vraiment pas de renier ça, mais c'est juste pour bien situer les choses, et on est vraiment en présence de littérature. S'il faut encore parler ou prendre le contre-pied de cette histoire de récit de voyage, on serait plutôt avec Nicolas Bouvier dans l'anti-récit de voyage, dans la mesure où il passe son temps à démonter ce héros qu'il serait supposé être, en admettant qu'il le soit, mais on va dire ça puisqu'il est, il est le seul point focal de ses récits, hein, c'est toujours il est toujours le narrateur de ses textes. Quand il valorise quelque chose chez lui, c'est le fait de n'être presque rien. Il existe pour lui un trio entre la vie, l'écriture, le voyage, les trois relevant d'un exercice de disparition. Je vais expliquer ça un petit peu en détail après, mais si je résume, voilà, il faut s'effacer pour commencer à entrevoir ce qui se passe vraiment. Voilà le positionnement, hein, de Bouvier par rapport au monde extérieur. Il se compare très souvent à une goutte de mercure plus ou moins affolé, qui se balade sur la planète. Et qui oscille entre des moments de bonheur fulgurant qui lui dévorent les poumons. Chez Bouvier, les poumons sont vraiment l'organe du bonheur. Et puis des gouffres vertigineux de l'ordre de la déprime la plus carabinée. Donc on voit bien que chez Nicolas Bouvier, le voyageur, il est mis à mal, brinque-ballé, défait, c'est vraiment un fétu de paille. Mais Nicolas Bouvier aime bien ça, c'est-à-dire qu'il revendique cette chose-là en disant « si on ne laisse pas au voyage le soin de nous détruire un peu, autant rester chez soi ». Je continue avec une citation qui est très éclairante où il dit « un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit de lui-même, on croit qu'on va faire un voyage, mais c'est le voyage qui vous fait ou vous défait ». Se voyager 100 fois remettre sa tête sur le billot, l'image est quand même assez forte, aller la reprendre dans le panier à son pour la retrouver presque pareille. On espérait tout de même un miracle, alors qu'il n'en faut pas attendre d'autre que cette usure et cette érosion de la vie avec laquelle nous avons rendez-vous et devant laquelle nous nous cabrons bien à tort. Alors voilà, bien plus qu'un écrivain voyageur, Nicolas Bouvier, c'est un voyageur qui écrit. Il a besoin du déplacement comme matériau, il affirme et revendique même ne pas avoir une once d'imagination. Il envie d'ailleurs ceux qui, dit-il, avec un peu de fantaisie et de concentration, voyagent tout aussi bien sans lever le cul de leur chaise. Lui n'a pas cette force, entre guillemets, puisque justement pour Nicolas Bouvier, la force relève de la faiblesse, hein, je l'ai un petit peu expliqué, je vais revenir là-dessus. Et il ajoute, sans doute avec un petit sourire, peut-être le sourire qu'on voyait tout à l'heure, « Heureusement d'ailleurs que le monde s'étend pour les faibles et les supporte, et quand le monde, comme certains soirs sur la route de Macédoine, c'est la lune à main gauche, les flots argentés de la Morova à main droite, et la perspective d'aller chercher derrière l'horizon un village où vivre les 3 prochaines semaines, je suis bien aise de ne pouvoir m'en passer. » Alors voilà pour moi un petit aperçu de la langue de Nicolas Bouvier que je trouve superbe. Langue qui s'obtient au prix fort. Bouvier parle très souvent d'une livre de chair à payer, faisant référence à Shylock dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. On est vraiment dans une idée de difficulté, de douleur à écrire, et l'écriture est assimilée à une blessure, à un saignement, hein, ce motif revient très souvent. Et en même temps, c'est un épanchement qui purge. On ne peut écrire un bon livre sans se saigner presque à mort. Et je dis ça sans du tout songer au poncif de l'artiste maudit. Et d'ailleurs, payé de sa personne, c'est comme ça que pour moi, la vie est intéressante. C'est intéressante quand on y va. Et dans cette optique-là, enfin dans le même ordre d'idées, il cite Henry Miller, qu'il adore. Il adore Henry Miller et il adore avoir des dettes, Nicolas Bouvier, des dettes littéraires. Miller fait partie de ses créanciers, au même titre qu'Henri Michaud, que j'évoquerai un petit peu après. Donc il cite Miller en disant « Si vous vous jetez à l'eau, faites-le sans bouée, car avec une bouée, vous serez noyé ». En résumé, écrire est une torture. Sans cette torture, on n'est pas tout à fait vivant. Ce n'est pas, je crois, que Nicolas Bouvier veuille souffrir, mais c'est qu'il ne peut pas se passer d'écrire et que cet acte-là, qui est pour lui physique, ne va pas de soi. Alors Nicolas Bouvier, ce voyageur qui écrit, est quelqu'un de très empirique, dont le rapport au monde passe, comme il le dit, par la plante des pieds. Il adorait d'ailleurs les pieds, puis il était vraiment contre toutes ces expressions idiomatiques qu'on a chez nous, bête comme ses pieds, etc. Il ne voyait pas pourquoi on méprisait à ce point ces membres si pratiques. Donc ce rapport au monde et à la connaissance très physique, ce n'est pas du tout celui qu'on lui a inculqué. Nicolas Bouvier est né dans un milieu bourgeois genevois, j'aborderai son enfance en détail après, universitaire. Mais justement, c'est quelqu'un, je disais au début qu'il échappait un peu à toutes les catégories, c'est quelqu'un qui a en permanence le souci de s'affranchir, d'échapper aux cages plus ou moins dorées, notamment celle dans laquelle il est né. Il fuit les écoles établies, la niche académique qu'on lui prépare et qui lui tend les bras à Genève, s'il accepte de suivre les pas de son père, directeur de la bibliothèque universitaire. Chez Nicolas Bouvier, à l'inverse, tout est rapport sensible. Rapport sensible du voyageur à son univers, de l'écrivain aux mots. Pardon. Et il assimile l'écriture à un artisanat. Voilà, ça c'est vraiment son rapport à son métier. Alors il y a tout un tas de mots qu'il utilise pour dire cette pratique, pour dire que l'écriture est un ouvrage qui naît sur un établi. Il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur l'établi. Il parle de forge, d'ébénisterie, de marqueterie, de métier de cordonnier, couturier, marieur de mots, postier entre les mots. Et dans tous les cas, c'est de toute évidence un adepte du bien cousu et du bien fichu, comme on va l'entendre dans le texte qu'Isabella va nous lire. Je vous situe rapidement, c'est un extrait du Poisson-Scorpion, donc le texte qui se passe à Ceylan. Et Nicolas Bouvier reçoit une lettre de la jeune femme qu'il a laissée derrière lui en partant deux ans et demi. Et c'est l'occasion pour lui de se remémorer la rencontre, le coup de foudre. Voilà, je m'arrête là pour la situation. J'avais couvert trois grandes pages quand un scorpion noir a dégringolé des poutres de mon plafond dans mon bol de thé. Étourdi, poussé par un frangin blagueur, je vois à sa taille que c'est un blanc-bec de la dernière pluie et absolument paniqué. Je sais maintenant comment m'y prendre avec ces petits joyaux héraldiques, les attraper entre le pouce et l'index, juste sous l'aiguillon. Je l'ai posé sur le plancher, qu'il a traversé comme un éclair, pour disparaître dans une crevasse du mur où il attendra que sa maman vienne le chercher. Elle est justement du scorpion et très belle figure. C'est donc ma journée de bonté. J'ai rangé mon travail et tiré ma chaise sur le balcon pour regarder le grand chromo chiqué du crépuscule pendant que mon espadon mitonnait dans les citrons. À rêvasser, le menton dans les mains. Pourquoi dans toutes nos langues occidentales dit-on « tomber amoureux » ? Monter serait plus juste. L'amour est ascensionnel comme la prière, ascensionnel et éperdu. Chez les insectes isoptères, tout individu sexué reçoit aussitôt sa paire d'ailes. Je la revoyais une nuit à mes côtés sur la jetée du port de ma ville natale. L'été, le silence, l'approche de l'aube. Je la connaissais d'une semaine, quand Herman Hesse tennis. Je la trouvais superbe. Nous marchions du même pas, sans aucun bruit. Je reconnaîtrais sans peine l'endroit où j'ai senti comme une aveuglante déchirure dans le noir, où j'ai eu les poumons dévorés de bonheur. La vie d'un coup acérée, musicale, intelligente. Surtout ne rien dire. Du coin de l'œil, j'ai essayé de voir où elle en était, elle. Demi-sourire retroussé sur les dents blanches, longue foulée, la crête d'une vague. Pas un mot. Il fallait pourtant faire quelque chose. J'ai alors embrassé le grand mât verni qui se dresse sur le môle et suis grimpé jusqu'au sommet sans ressentir d'effort. Là-haut, les dernières lueurs de la rade reflétées sur l'eau sombre. Elle, pas plus grande qu'un plant de rosier. Il faut croire que cette forme d'aveu a aussi son éloquence. Quand j'étais redescendue hors d'haleine, les mains pleines d'échardes, je l'avais trouvée folle de rire, les yeux brillants d'impatience, déjà à moitié dévêtue. Montée. La lettre expédiée 2 mois plus tôt de Hambourg par poste-mère contenait son faire-part de mariage sur lequel elle avait griffonné « Désolé, ciao et bon voyage » et un poisson d'or, je suis poisson, long comme l'ongle du petit doigt. Merci, Isabella. Pour moi, c'est vraiment important que vous entendiez sa langue. Donc, Isabella lira plusieurs textes. C'est aussi pour ça que je vous cite pas mal de passages. C'est vraiment une écriture qui relève d'un équilibre très minutieux entre une spontanéité dans l'expression. On a des raccourcis comme ça, des images très très fortes, et en même temps une très grande précision de ces mêmes descriptions. Et on a à lire, alors je sais pas spécifique à Nicolas Bouvier, j'ai envie de dire comme toujours quand c'est bien fait, l'impression d'une grande simplicité. Sauf qu'évidemment, c'est une simplicité conquise de haute lutte. Tout comme, je fais le parallèle avec son rapport à la vie, tout comme la légèreté heureuse, les états de lévitation auxquels la purge du voyage lui permet de temps en temps d'accéder. J'insiste sur le de temps en temps parce que, en guise de légèreté et d'harmonie revendiquée comme la quête intérieure absolue, Nicolas Bouvier parle quand même très souvent, pour ne pas dire le plus souvent, de dislocation de soi, de vie mal cousue. Hein, on a tout un tas d'expressions comme ça qui reviennent. Dans Le Poisson Scorpion, on a une scène où il se rase, dans le premier tiers du livre. Il dit « J'ai rasé ce matin la barbe que je portais depuis l'Iran. Le visage qui se cachait dessous a pratiquement disparu. Il est vide, poncé comme un galet, un peu écorné sur les bords. Je n'y perçois justement que cette usure, une pointe d'étonnement, une question qu'il me pose avec une politesse hallucinée et dont je ne suis pas certain de saisir le sens. Un pas vers le moins est un pas vers le mieux. » Alors quand on lit quelque chose comme ça et comme ce qu'Isabella a lu, on comprend bien là encore que le monde et la matière du voyage, aussi important soit-il, je veux dire qu'ils sont absolument nécessaires hein, à Nicolas Bouvier. Le voyage relève de quelque chose de vital chez lui. Pour autant, il ne constitue pas pour lui une raison suffisante d'écrire. Ce qui a mis Nicolas Bouvier sur les routes et ce qui l'a obligé à écrire, les deux étant, vous l'avez bien compris, très très liés, c'est un besoin vital, ce qu'il appelle un état de manque originel. Et son idée, c'est que seul le voyage et l'écriture... le voyage étant antérieur à l'écriture, seul le voyage et l'écriture peuvent pallier cette insuffisance centrale de l'âme, il emprunte l'expression à Antonin Artaud, et permettre de retrouver l'accès vers l'harmonie originelle à la recherche de laquelle il est en permanence. Cette harmonie qui est pour lui tantôt une affaire de musique et de polyphonie qu'il s'agit de retrouver, tantôt une mosaïque à compléter. Le but de l'existence, c'est donc bien ça, retrouver la polyphonie, retrouver l'harmonie, et on voyage et on écrit chez Nicolas Bouvier pour cette raison-là, dans ce but-là. Et on est obligé de passer par cette varappe désespérante qu'est l'écriture, c'est lui qui emploie le terme, et qui a pour source le voyage. Je crois que c'est comme ça, en fait, que la boucle se boucle chez Nicolas Bouvier. Quand il dit varap désespérante, c'est pas un mot en l'air, hein. Il dit si je n'avais fait qu'écrire, je me serais vidé de mon sang comme une outre, comme un pot cassé se vide de son eau. Il parle aussi d'hémorragie au sujet du processus d'écrire. Et toujours dans l'idée que Nicolas Bouvier n'est pas un écrivain voyageur, il se situe bien entendu à l'opposé de l'exotisme. Et en fait, il n'existe pour lui de récit de voyage que en tant que second voyage, c'est-à-dire dans la mémoire. Là, on a quelque chose de très particulier qui est en fait une manière de revisiter l'expérience, conjuguée à ce souci extrême du mot juste, hein, ce souci littéraire, qui, je crois, rapproche parfois les textes de Nicolas Bouvier du roman. En tout cas, je dis ça avec prudence, mais en tout cas, ça soulève pour moi vraiment la question de la fiction, en tout cas de la fictionnalisation, je ne sais pas trop si le mot existe, dans l'œuvre de Nicolas Bouvier. Alors pourquoi je dis ça? Parce que son écriture n'est pas tant le récit du réel que sa reconstitution. Alors, bien sûr, c'est le propre de toute écriture, puisque c'est la temporalité de l'existence et la limitation de l'être humain qui veut ça. C'est-à-dire qu'on peut être aussi rapide et schizophrène qu'on veut. On vit d'abord et on écrit ensuite. Mais il y a d'autres dimensions qui me font dire ça, qui me font parler de la fictionnalisation dans ces textes. C'est le moment déjà, le temps pardon, qui peut s'écouler chez lui entre le moment vécu et l'écriture, le poisson scorpion qui se passe à Ceylan étant vraiment emblématique de ce que je dis là. Le texte a été écrit 25 ans après les faits. On voit aussi que Nicolas Bouvier utilise beaucoup sa correspondance. Alors ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant, la correspondance n'était pas publiée mais elle l'est aujourd'hui. Et on se rend compte vraiment qu'il réélabore en fait ses lettres hein, dans bien des passages de ses textes. Et puis, voilà, il y a ce travail d'orfèvre hein, sur lequel j'ai déjà insisté, qui me fait dire que chez lui, écrire relève presque de l'opération alchimique. Et quand je dis ça, je parle de transformation. Alors, transformation dans l'écriture par rapport au réel, qu'est-ce que c'est? C'est faire des choix. C'est ensuite des processus de dilatation de certaines choses, de réduction d'autres moments vécus. Et voilà pourquoi je pose hein, cette question du rapport au roman, en fait, à la fiction. En tout cas, du degré de distorsion du réel qui, pour moi, interroge le roman. Alors, roman ou pas, puisqu'il ne s'agit pas de résoudre cette question, l'aventure, de toute façon, chez Nicolas Bouvier, hein, l'aventure voyageuse, elle est de toute façon poétique. Cette poésie, elle passe par plusieurs choses. Elle passe notamment par une lenteur revendiquée qui le prémunit, là encore, de l'exotisme et de la boulimie occidentale à voyager. Voilà, on se déplace très très lentement dans les textes de Nicolas Bouvier. On va jusqu'à rester 6 mois sur place, à Tabriz, dans L'Usage du Monde. Donc voilà, qu'est-ce qui reste du voyage quand on reste 6 mois sur place? Il dit, je ne voyageais pas, je vivais dans les pays. Et puis, quand je dis que l'aventure est de toute façon poétique, cette poésie passe aussi par un souci constant d'effacement. Quand je disais qu'il y avait le trio vie, voyage, existence, qui était un exercice de disparition, Bouvier dit « On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. Sans ce détachement et cette transparence, comment espérer faire voir ce qu'on a vu ?» Alors, ça, c'est vraiment un autre motif très récurrent chez lui. C'est qu'en fait, avant de pouvoir s'autoriser à ouvrir la bouche, ou à écrire, il faut apprendre à devenir reflet, écho, courant d'air, ou, dit-il, invité muet au petit bout de la table. L'humilité est un principe de vie. Et ce n'est, a priori, pas tellement sur les bancs de la fac à Genève qu'il a appris ça, mais bel et bien sur la route. Et cette humilité est revendiquée comme un but en soi. Alors, Bouvier est taraudé par sa légitimité à écrire. Et bien entendu, la question se pose de savoir est-ce que cette humilité revendiquée est contradictoire avec le fait d'écrire, lorsqu'en plus on n'arrête pas de dire « je ». Il souligne très souvent ce paradoxe. Hein, Bouvier est quelqu'un qui se cache jamais derrière son ombre. Il s'interroge donc noir sur blanc sur l'orgueil de l'écrivain, sur ce que c'est que ce besoin égotique d'écrire. Alors lui, il dit pas un besoin égotique, il dit qu'est-ce que c'est que ce besoin boutiquier de vouloir nommer les choses. Et comment il se sort de cette question-là, qui est quand même très embarrassante? Il s'en sort en proposant la solution de l'analogie entre le voyage, l'écriture et la vie. Hein, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, et à cette idée que ce sont 3 exercices de disparition, c'est-à-dire que d'abord il faut disparaître, se dépouiller, et si on a bien disparu suffisamment, alors ensuite on est autorisé à dire quelque chose de cette disparition et du rapport au monde qu'elle engendre. Il se vit, Nicolas Bouvier, écrivain, se vit, comme je l'ai dit, comme un marieur de mots, comme un entremetteur, en fait, comme un passeur de sens. Ça dit ça aussi, c'est-à-dire que le sujet chez Nicolas Bouvier n'a rien, aussi bien dans son positionnement physique dans la vie que dans son écriture, n'a rien à voir avec le sujet occidental planté en plein milieu de la photo et qui bouffe le paysage, comme il le dit. Au contraire, hein, Bouvier revendique cette autre position en disant « mais c'est quand on n'y est plus que les choses viennent ». Et l'existence entière étant un exercice de disparition, référence bien entendu à la mort, le voyage et l'écriture sont de très bonnes écoles. Il compare la position du voyageur et de l'écrivain à celle d'un zoologiste qui, pour avoir une chance de voir un ours, doit se cacher. Je crois que ça dit assez bien le tour de force de son positionnement. Et dans ces textes, on retrouve cet équilibre frappant entre une présence nécessaire à cette écriture très incarnée, qui fait que quand on le lit, on y est, et en même temps, une humilité, pour ne pas dire une absence, qui est nécessaire à cette écriture de Nicolas Bouvier, qui laisse voir et se déployer ce dont elle parle. Et ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'assez unique. En tout cas, une manière, je dirais, extrêmement délicate de révéler le monde. Il porte donc en lui cette philosophie du dépouillement, de l'amenuisement maximum. Là, je vous ai lu le petit passage où il se rase, hein, qui termine en disant « un pas vers le moins est un pas vers le mieux ». Et il ajoute « si l'on souhaite raconter ce que l'on a vu, il faudra que le langage subisse la même épreuve, chaque mot passé au feu ». Alors, je reviens un instant à la légitimité de l'écriture et à cette question qui le taraude pas mal. Il a recours aussi, pour expliquer ça, à quelque chose de l'ordre du devoir. En exergue du Poisson-Scorpion, il cite son ami Kenneth White en disant « on ne peut tout de même pas se contenter d'aller et venir sans souffler mot ». Et c'est pour cette raison qu'il aurait écrit « L'usage du monde », parce qu'il se sentait débarrassé d'une quantité de conneries et dépositaire d'une quantité de trésors. C'est uniquement pour ça que j'ai écrit. Je n'avais pas du tout envie de mener une vie d'écrivain. Mais je ne pouvais pas garder tout ça pour moi, je serais devenue comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Voilà, nouvelle justification, mais aussitôt talonnée parce qu'il demeure chez lui une espèce de doute fondamental, comme s'il restait toujours chez lui une espèce de résistance à l'écriture. Pourquoi ajouter des mots qui ont traîné dans toutes les bouches à ces choses fraîches qui s'en passaient si bien ? Et comme ces boutiquiers, ce désir de tirer parti de tout, de ne rien laisser perdre. Et malgré qu'on le sache, cette peine que l'on prend, ce travail de persuasion, cette lutte contre le refroidissement considérable et si insistant de la vie. La mort revient, qui préoccupe énormément Nicolas Bouvier. Et elle revient ici presque comme une justification de l'écriture, en tout cas comme un outil pour apprivoiser cette disparition sans surprise. Qui dit mort dit naissance, alors là pardonnez-moi cette petite pirouette pour revenir sur, rapidement sur la naissance de Nicolas Bouvier. Il est né et mort suisse, et c'est la Suisse qui est à l'origine de ce qu'il appelle son besoin de grandeur. C'est-à-dire son besoin de voyager. Le pays est réellement tout petit, le ciel est mesuré par les montagnes, le champ vite arrêté par le champ voisin, et le temps compté par nos montres ne nous fait vraiment aucun cadeau. Vous voyez, j'essaye de m'éloigner de la mort, mais on y revient sans arrêt. Pour résumer l'éducation qu'il a reçue, il parle ni plus ni moins d'hémiplégie. Voilà, on est dans un milieu bourgeois, genevois, protestant, rigoriste, puritain, tout ça à la fois. Et il n'hésite pas à dire que le voyage l'a sauvé. Alors dans cette éducation, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est, on va dire, l'aspect très, très nourrissant, nutritif du milieu. Ce terreau formidable, hein, chez les Bouviers, on a Yourcenar qui vient dîner, etc. Et puis le mauvais, c'est une éducation sans corps, enfin en tout cas qui le nie. Et chez les Bouviers, voilà, l'émotion fait vulgaire. Il fallait constamment garder une forme de contrôle. Contrôle auquel le père de Nicolas Bouvier, qu'il aime énormément, qui est quelqu'un qui l'a d'ailleurs poussé vers le voyage, contrôle auquel ce père déroge, sous le regard sans doute un petit peu inquiet de son fils, qu'il décrira des années plus tard comme neurasthénique, pris de crise de larmes au petit déjeuner. Alors je parle de ça parce que cette scène du père en larmes devant son enfant, c'est assez amusant quand on relit toute l'œuvre, ce que j'ai fait pour ce soir. Nicolas Bouvier la raconte quasiment mot pour mot en parlant de lui et d'un de ses fils. Il transpose simplement la scène du petit déjeuner à la nuit, mais elle est identique. Et dans les deux cas, le fils se trouve grandi par les larmes du père. J'ai dit que la faiblesse était chez Nicolas Bouvier quelque chose de très noble. C'est évidemment ce que ça dit. C'est un gage d'honnêteté, d'humilité, c'est vraiment une valeur, hein. Il adore citer ce proverbe coréen, un homme sans larmes est un vaurien. Et cette valorisation de la faiblesse, qui est un motif récurrent, va de pair avec l'idée que l'homme est faillible. On est à peine plus valeureux que des insectes, comparaison qu'il emprunte à Henri Michaux, donc un de ses créanciers, hein, comme Miller. Et voilà, on est insuffisant et limité, comme l'est l'écriture. Mais Nicolas Bouvier n'a aucun problème avec ça. C'est-à-dire que pour lui, c'est justement là. Enfin, il n'a aucun problème. En tout cas, il a su retourner les choses, c'est-à-dire que ce qu'on en voit, nous, quand on le lit, c'est que cette insuffisance de l'homme et de l'écriture, c'est précisément là sa beauté et sa force, au cœur de toute cette histoire qu'est la vie et dont la fin est sans surprise. C'est ce que Nicolas Bouvier appelle la dernière douane, pour parler de la mort, et qui est le dernier poème du recueil « Le dehors et le dedans ». Depuis que le silence n'est plus le père de la musique, depuis que la parole a fini d'avouer qu'elle ne nous conduit qu'au silence, les gouttières pleurent, il fait noir et il pleut. Dans l'oubli des noms et des souvenirs, il reste quelque chose à dire entre cette pluie et celle qu'on attend, entre le sarcasme et le testament, entre les trois coups de l'horloge et les deux battements du sang. Mais par où commencer depuis que le midi du pré refuse de dire pourquoi nous ne comprenons la simplicité que quand le cœur se brise ? Merci. Je vais maintenant rentrer dans le détail vraiment des quatre textes piliers dont je vous ai parlé. L'usage du monde. Est-ce que tu veux bien mettre la c'est UDM, c'est de la couverture. Merci beaucoup. Merci. L'usage du monde, c'est le texte le plus connu de Nicolas Bouvier. Pour la petite histoire, il a été refusé de partout, donc il l'a publié à Compte d'auteur d'abord en 1963, puis après les éditeurs se sont intéressés à la chose. Ce texte a l'apparence d'un journal de bord, c'est-à-dire que c'est daté et localisé, et il est rythmé par les dessins à l'intérieur du livre. Il est rythmé par les dessins à gros traits d'encre de Thierry Vernet. Si tu veux bien, Isabella, il y a des visuels de Thierry Vernet, des dessins. Alors Thierry Vernet, je suis obligée d'en parler, on ne peut pas parler de l'usage du monde sans parler de ce jumeau psychologique, jumeau de cœur, que Nicolas Bouvier a rencontré adolescent, jeune adolescent, ils ont 14-15 ans, Thierry Vernet est un tout petit peu plus âgé. Ce qui soude les deux garçons, c'est un féroce appétit de bonheur, et puis ce que Nicolas Bouvier appelle une connivence de fabricateur. C'est-à-dire qu'ils ont à peine 15 ans, l'un sait qu'il veut devenir peintre, l'autre sait qu'il veut devenir écrivain. Là où Thierry Vernet a une place, outre la dimension affective, qui est évidemment fondamentale, très très très importante pour Nicolas Bouvier, c'est que Nicolas considère que c'est Thierry qui lui a appris à regarder le monde. Il dit voyager avec Thierry, c'était comme traverser la France à pied avec Van Gogh. Alors, on peut lire l'usage du monde quelque part comme une suite de pannes et de réparations, automobiles j'entends, aussi comme une suite de maladies guérisons, la maladie étant une des déclinaisons de la faiblesse omniprésente chez Nicolas Bouvier. Dans les deux cas, ces défaillances, qu'elles soient mécaniques ou qu'elles soient humaines, fournissent des tas d'occasions de rencontres aux deux jeunes hommes, rencontres hautes en couleur avec les garagistes, les aubergistes, les brigands, les vieux, les médecins, les types des douanes, tous ces gens avec qui on a passé beaucoup plus de temps que prévu. Et comme Nicolas Bouvier et Thierry Vernet saisissent tout ce qui passe à leur portée, c'est l'occasion pour eux de croquer comme ça des portraits sur le vif. Et l'usage du monde, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est la diversité humaine, je dirais, dans toute sa cocasserie. Un mot que Nicolas Bouvier aimait beaucoup, qu'il emploie beaucoup. Et c'est vraiment, ça dit la manière qu'il a aussi de regarder le monde, cette manière de voir la cocasserie un peu de tout. L'usage du monde, c'est un texte très heureux, un texte, j'irais jusqu'à dire de la plénitude, c'est 2 ans de bonheur absolu. Les étoiles filantes pleuvaient sur la cour, mais je ne trouvais rien à souhaiter sinon ce que j'avais. Et quand Nicolas Bouvier parle de cette expérience, il insiste sur sa temporalité. Je me suis lancée dans cette aventure au bon moment de la vie, au moment où on a une capacité d'émerveillement toute neuve, où tout porte. Alors voilà, cette jeunesse, cette grande jeunesse, ajoutée à cette aptitude au bonheur quand même un petit peu hors du commun, enfin disons cette hypersensibilité, donc aptitude au bonheur comme au malheur, ajoutée à une extrême entente avec Thierry Vernet, fonde ce voyage une espèce d'enchantement. Alors je parlais tout à l'heure rapidement de la correspondance qui n'était pas publiée il y a 10 ans mais qui l'est aujourd'hui. Nicolas Bouvier et Thierry Vernet se sont beaucoup écrits et ont beaucoup écrit. Cette correspondance, on peut presque la lire comme un envers de l'usage du monde, ce qui la rend très intéressante. Et puis moi je la trouve très intéressante aussi pour une chose très précise en ce qui concerne Nicolas Bouvier, c'est qu'on a l'impression que cette correspondance, enfin écrire des lettres, c'est le seul endroit où l'écriture ne fait pas mal. On a l'impression que quand il est épistolier, Nicolas Bouvier ne connaît pas les affres de la création dont il parle quand même sans arrêt dès qu'il est question d'écrire ses textes, ses livres en tout cas, j'allais dire ses romans. À 16 ans quand même, en 45, il écrit une lettre à Thierry Vernet dans laquelle il dit « C'est beau les lettres, c'est même tellement beau et créateur » que je crois que je m'y vouerais tout à fait et complètement. Vouerais au futur. C'est un art indirectement créateur qui ensemence tous les arts. L'usage du monde s'arrête à la Khyber Pass en Afghanistan pour trois raisons principales. La première, c'est une rupture géographique. On quitte le monde musulman, essentiellement masculin. On rentre, il va traverser le Pakistan puis arriver en Inde, donc on rentre dans le monde moghol, islamique et hindou, panthéiste. C'est aussi une rupture sentimentale. Je pèse le mot, le terme en fait, c'est-à-dire que Thierry Vernet est parti à Ceylan rejoindre et épouser sa fiancée, la patiente Floristella. Il est prévu que Nicolas Bouvier les rejoigne, mais voilà, en attendant il est tout seul. Et puis, la dernière raison, c'est une raison qui a trait à sa difficulté et à sa lenteur à écrire. Si j'ajoutais l'un des Ceylan, ce serait le livre des merveilles en 2000 pages et je l'aurais terminé vers 50 ans. Pour écrire ces 340 pages, j'ai mis 3 ans avec de brèves interruptions pour gagner mon bœuf. Voilà pour l'usage du monde. Le poisson scorpion. Donc comme je vous ai dit, c'est le texte qui suit dans la continuité géographique, mais pas du tout dans la continuité de l'écriture. Ce texte-là, c'est l'opposé de l'enchantement de l'usage du monde. Là, on est vraiment dans la description, la description entre guillemets, en tout cas le vécu d'une dépression carabinée, hein, je crois qu'il faut employer le terme, que Nicolas Bouvier a traversé pendant 7 mois de solitude à Ceylan, en 1955. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on lit ce texte, je vous invite bien sûr à le faire, et vous verrez que ma question de la frontière avec le roman, en tout cas dans ce texte-là, je crois qu'elle se pose vraiment. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Thierry Vernet et Nicolas Bouvier s'étaient quittés en Afghanistan en se donnant rendez-vous, grosso modo, 4 mois plus tard à Ceylan, pour célébrer le mariage de Thierry Vernet et de Floristella. Nicolas Bouvier descend l'Inde seul pendant à peu près 4 mois, de manière très heureuse pour le peu qu'il en dise. En tout cas, cette descente de l'Inde n'a pas donné de texte majeur. Depuis qu'on a le quarto, on a quelques textes. Enfin, pendant longtemps, il n'y a rien eu. Et voilà, Nicolas Bouvier passe 3 mois très heureux à Ceylan avec son couple d'amis. Et puis le couple d'amis s'en va. Et voilà Nicolas Bouvier, tout seul, il tombe malade, et la lettre que Isabella a lue, il se fait quitter par lettre interposée. Et là commence une véritable descente aux enfers, et une cohabitation de 7 mois avec des fantômes et des insectes. Scolopendre, engoulevent, araignée, lézard, couleuvre, tout ce joli monde d'assassins que je commence à connaître est littéralement sur les dents. Suis descendu voir cette hécatombe, une lanterne sourde à la main. Par les fissures du béton éclaté, les termites volants montaient du sol en rang serré pour leurs épousailles, les ailes collées au corps, leurs corselets neufs astiqués comme les perles noires du bazar. puceaux et pucelles choyés des années durant dans l'obscurité, dans une sécurité absolue dont notre précaire existence n'offre aucun exemple, ignorant tout de la société de malfrats, goinfres et coupe-jarrets réunis pour les accueillir à leur premier bal. Ils s'ébrouaient au bord des failles et prenaient leur essor dans une nuée fuligineuse et bourdonnante qui brouillait les étoiles. Bref, un enchantement. Après quelques minutes d'ivresse, ils s'abattaient en pluie légère, perdaient leurs ailes, cherchaient une fissure ou disparaître avec leurs conjoints. Pour ceux qui retombaient dans la cour, aucune chance d'échapper aux patrouilles de fourmis rousses qui tenaient tout le terrain. Fantassins frénétiques de 7-8 mm, encadrant des soldats cuirassés de la taille d'une fève qui faisaient moisson de ses fiancés sans défense et s'éloignaient en stridulant, brandissant dans leurs pinces un fagot de victimes mortes ou mutilées. D'autres de ces machines de guerre guidées par leur piétaille cherchaient à envahir la forteresse par les brèches que les soldats termites défendaient au coude à coude. J'avais souvent vu sur mon mur ces étranges conscrits, produits d'une songerie millénaire des termites supérieures, dans des travaux de simple police, escorter une colonne d'ouvriers, menacer un gêneur étourdi, avec leurs dégaines hallucinantes, ventre mou, plastron blindé, et cette énorme tête en forme d'ampoule qui expédie sur l'adversaire une goutte d'un liquide poisseux et corrosif. De profil, ce sont de minuscules chevaliers en armure de tournoi, visière baissée et un culot d'enfer. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que lui-même considérait comme une espèce de folie à l'œuvre. Hein. Les 7 mois à Ceylan, c'est quelque chose dont il dit que ça a failli le faire crever et que c'est une sorte de miracle qu'il en ait réchappé. De manière générale, et moins encore dans ce texte du Poisson-Scorpion, je crois que Nicolas Bouvier n'écrit pas de récit. C'est-à-dire qu'il ne raconte rien. Ce qu'il fait, c'est qu'il revient à l'endroit très exact du télescopage plus ou moins violent, toujours puissant, entre le monde extérieur et son intimité et son moi. Pour le meilleur, comme dans L'usage du monde, et pour le pire, comme dans Le Poisson-Scorpion. Ce Poisson-Scorpion, c'est donc un texte écrit 25 ans après les faits, donc c'est une histoire très ancienne que Nicolas Bouvier écrit là, répondant à l'injonction de Céline qu'il place en exergue du livre, la pire des fêtes en tout, c'est d'oublier, et surtout ce qui vous a fait crever. Donc 25 ans plus tard, visiblement, Nicolas Bouvier n'avait pas oublié, mais il n'avait pas non plus exorcisé. Et c'est le but de cette écriture du Poisson-Scorpion, qui est l'expérience la plus douloureuse pour lui d'écriture qu'il ait vécue. Ceylan, c'était pour lui la magie noire, la maladie, l'informe. Or, mettre en mots, c'est mettre en forme. Donc l'écriture chez lui, c'est une manière, nommée en tout cas, est une manière de rentrer dans un processus de guérison. Il écrit ce texte dans un flot d'alcool. Quand il ne boit pas, il fend des bûches comme un forcené. Et il écoute en boucle le premier quatuor à cordes de Debussy qui vous a accueilli. Cette musique est pour lui une des musiques les plus salubres qui existent dans la musique occidentale. Et c'est une musique qu'il avait en tête, en fait, tout le temps de sa dépression à Ceylan. Il l'avait entendu en Afghanistan sur une fouille archéologique et il a cette musique en tête et il considère que c'est grâce à cette musique qu'il n'est pas devenu fou. Il aurait pu quitter Ceylan. Il aurait pu appeler sa famille au secours, demander à ce qu'on lui envoie un billet retour. Il ne le fait pas. Il se laisse couler, toucher le fond et finit par remonter. Le motif du sang revient à la fin du livre, c'est-à-dire qu'il va se cogner en fait sur un panneau qui indique une zone de silence. Bien entendu, tout ça est très symbolique par rapport à l'écriture. Il s'ouvre le front, il y a comme une espèce d'épanchement. C'est écrit, c'est fini. Nicolas Bouvier fait son bagage et s'en va prendre le bateau pour le Japon. Je suis obligée d'accélérer un petit peu, si bien que le Japon, je vais hélas en parler très très très vite. C'est pas bien parce que c'est pour lui une longue histoire, une très longue histoire. Le Japon, c'est un pays où il va revenir en famille, où il va vivre. C'est aussi un pays du coup un petit peu à part, c'est pour ça que je me permets de grignoter mon temps sur le dos du Japon. Pour dire très vite, c'est un pays extrêmement important pour lui. Après Ceylan, qui était le pays de l'informe, de la maladie, etc., le Japon, c'est pour lui la salubrité. Il en parle comme un endroit où on se lave sans arrêt, on passe sa vie au bain, etc. L'air est léger comme du champagne. Enfin bref, au Japon, il revit. C'est vraiment l'opposé de Ceylan. C'est la vie sous toutes ses formes, et c'est surtout la forme qui reprend ses droits. On a quand même une idée, je ne voudrais pas dire très vite des énormités sur le Japon, mais comme une société quand même très codifiée, très, et tout ça lui fait énormément de bien. Le dehors et le dedans, le quatrième et dernier texte pilier de Nicolas Bouvier, c'est ce recueil de poèmes. Le titre résonne avec l'espace du dedans de Michaud, hein, c'est clairement une manière de se mettre dans cette filiation, enfin de revendiquer cette filiation. Tous les poèmes de ce recueil, on en a 40 environ, ils sont tous localisés et datés. Et comme je l'ai dit, ça couvre 30 années de vie. Le premier poème, c'est le point de non-retour, qui date de 1953. Le dernier, la dernière douane, qu'Isabella a lu et qui date de 1983. Comme le titre l'indique, on a deux parties. Le dehors, alors le dehors, c'est simple, c'est l'itinéraire du voyage avec Thierry Vernet, hein. C'est l'itinéraire de l'usage du monde, on suit la même route, c'est vraiment l'écho poétique de l'usage du monde, parfois au mot près. Si vous vous amusez à lire le recueil de poèmes et l'usage du monde, vous verrez qu'il y a des paragraphes qui sont au mot près le poème, notamment le point de non-retour. C'est le départ, le voyage, la jeunesse, la transformation de soi. Isabella, tu veux bien nous lire le point de non-retour ? C'était hier, plage noire de la Caspienne, sur des racines blanchies rejetées par la mer, sur de menus éclats de bambou, nous faisions cuire un tout petit poisson. Sa chair rose prenait une couleur de fumée. Douce pluie d'automne, au cœur au chaud sous la laine. Au nord, un fabuleux champignon d'orage montait sur la Crimée et s'étendait jusqu'à la Chine. Ce midi-là, la vie était si égarante et bonne que tu lui as dit, ou plutôt murmuré, « Va-t'en me prendre où tu voudras. » Les vagues ont répondu, « Tu n'en reviendras pas. » Ce point de non-retour, pour lui, en fait, c'est le seuil de conscience, au-delà duquel il y a un vrai risque d'égarement et de perte de soi, mais Nicolas Bouvier aime beaucoup ça, c'est-à-dire que cet égarement, cette perte de soi, il les considère comme très souhaitable et en tout cas préférable à ce qu'on ne connaît que trop bien et qu'on laisse derrière soi quand on part en voyage. La deuxième partie, le dedans, elle est très différente. On est dans la deuxième partie de la vie de Nicolas Bouvier et on a clairement des poèmes qui sont de l'ordre de la réflexion sur la mort. Dans tous ces textes, que ce soit la prose ou la poésie, Nicolas Bouvier ne cesse de reconnaître, de revenir sur l'idée des limites du langage, sans pour autant les déplorer. C'est un petit peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure avec l'être humain qui est faillible, etc. Il dit « il y a deux mots sentinelles qui sont ineffables et indicibles, et après il n'y a plus rien ». Alors la prose, c'est pour lui le langage qui atteint le plus vite ses limites. Au-delà, il y a la poésie, qui va un petit peu plus loin, du fait de la force de ses images, comme ça, de cette rapidité de la poésie. Il dit que la prose est une visite que l'on rend aux mots, tandis que la poésie est une visite que l'on reçoit des mots. Et elle répond à la description d'états extrêmes. Alors, extrême bonheur, extrême jubilation, extrême tristesse, extrême noirceur. Voilà, quand ça devient indicible, on a recours à la poésie. Mais la poésie a aussi ses limites. Alors, au-delà de la poésie, il y a pour lui la musique. Mais la musique aussi a ses limites. Alors, au-delà de tout, il y a le silence. Nicolas Bouvier ne retire aucune amertume de cette limitation finalement généralisée, hein. L'humain est limité, les mots sont limités, la prose, la poésie, la musique. Il y a chez lui une acceptation qui va de pair avec tout ce que j'ai déjà dit, en fait, c'est-à-dire que, mais c'est très bien qu'on ne puisse pas aller au-delà de certaines limites. Sans ça, je trouve cette expression très belle, sans ça, si on pouvait aller au-delà de l'indicible, le firmament s'éteindrait. L'homme, finalement, pour Nicolas Bouvier, l'homme doit sa survie à son imperfection, et c'est cette imperfection qui est son moteur. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, notamment autour des autres textes que je n'ai pas évoqués. Nicolas Bouvier est mort le 17 février 1998 d'un cancer des poumons, hein, cet organe qu'il utilisait pour parler d'amour. À la fin de sa vie, quand les médicaments, la chimiothérapie lui avaient donné une figure assez tragique, assez triste, lui disait dans un dernier élan d'humour, il disait de lui qu'il ressemblait à un Bouddha rieur. Lui et son écriture ont été accompagnés toute sa vie par son épouse, Eliane Bouvier, qui est encore parmi nous, enfin pas là, hélas, tout de suite ce soir, mais elle est bien là. Et il l'avait rencontrée juste après son retour de voyage en 57. Et voilà, c'est sur cette note-là que j'aimerais terminer en clin d'œil à Eliane, avec un texte qui est un extrait de La Chambre Rouge. Et voilà, une manière que je trouve assez magnifique dans sa pudeur de décrire sa rencontre avec elle. Assis à une petite table de sapin, le dos au piano, je tape sur la vieille Remington qui m'a accompagnée pendant 4 ans d'absence entre Trieste et Yokohama. Les mots que j'attends se présentent d'eux-mêmes et sonnent juste, comme des candidats modèles à un jour d'embauche exceptionnel. Je peux les engager les yeux fermés. J'essaie de décrire la colonie soviétique de Kaboul au début des années 1950. Je n'essaie pas. Je revois ces visages carrés, ces nœuds de cravate gros comme le poing. Je n'ai qu'à laisser filer le texte. Tout le glossaire français, même les mots mis au rebut par l'Académie, se portent volontaires pour m'aider dans cette modeste restitution. Voici 6 mois qu'à cette table, j'ai commencé à me battre avec les mots pour rendre aux choses vues sur cette longue route leur poids, leur évidence, leur grain, leur couleur. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai l'impression de choisir ma stratégie sans panique et de construire mon récit pierre par pierre, posément, avec l'assurance et la placidité d'un compagnon du Moyen-Âge. J'ai terminé ma page et la relis. Depuis mon retour dans cette chambre, je n'ai jamais travaillé avec cette lucidité heureuse et je m'interroge sur ce petit miracle. Il doit y avoir un truc là-dessous. Le truc, à la réflexion, s'avère être une dame que j'ai amenée dans ces murs rouges quelques mois plus tôt, après une soirée bruyante et bavarde où, pourtant assis côte à côte, ni elle ni moi n'avions soufflé mot. Une dame sortie tout droit d'un poème de Paul Jean Toulet. En franchissant le seuil de cette chambre, elle m'a dit « Je vous ai suivi jusqu'ici parce que vous vous déplacez sans faire aucun bruit. » Ce compliment insolite m'a tant flatté que depuis, je n'ai plus fait craquer une seule lame de parquet. Au Japon, d'où je revenais, j'avais appris la vertu du silence, du gris-souris, du couleur de muraille. Elle avait dû prendre les mêmes leçons sous d'autres méridiens. C'était une spécialiste du silence attentif, intelligent, narquois, sans du tout le vouloir ni le calculer. Le temps que j'allume le feu et prépare le thé, elle s'était dévêtue sans que j'entende le moindre crissement de soie. Ce n'est qu'au retour de la boulangerie, odeur des croissants chauds dans l'aube d'avril, que je me suis avisée de lui demander son prénom. Cette visiteuse est partie, revenue, partie avec la mobilité et la légèreté d'une belette. Je me suis laissée prendre à cette présence-absence furtive, aiguë, rapide, à ses jambes nerveuses et fines, à ces petits coups de cafard, gris et fugaces comme un lambeau de brouillard dans un paysage japonais. À cette époque, je ne voulais rien avoir à faire avec les êtres et leur épaisseur de suif. J'étais très heureux d'être seul. Mais comment se déprendre d'une femme plus légère que le carrosse de la reine Mab, fait exclusivement d'ailes de libellules ou de pattes de faucheux, et qui vous laisse entendre qu'il suffit de souffler dans votre paume pour qu'elle n'y soit plus? Elle y est encore aujourd'hui. Merci. Bien, voilà. J'espère ne pas avoir été trop au galop. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de vous parler de cet écrivain très important pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions, envie de...